c'est l'émission numéro 12, ouais. Fruit de la station 12, ça rime avec... Touze. Flouze. Ah, pardon. Bouze, Richie, Bouze. Bouze. Ok. Mais tout, ça me fait penser à une personne que j'aime beaucoup. Ah non. Votre mère. Voilà. Je l'ai croisée l'autre jour. Écoutez, elle était très en forme. Mais elle est magnifique, mais ma mère. Elle ne fait pas du tout ses 75 ans. Ah non, malheureusement, elle est beaucoup plus âgée. On l'embrasse. C'est elle vrai. Nous écoute de l'hospice. Mmh. Non, mais je peux pas rebondir sur ce genre de vanne. Mais c'est en tout cas, j'ai bien rebondi sur votre mère. Alors, croyez-moi. Alors Jean-Pierre, cette émission 12, comment va-t-elle? J'ai vraiment, si un jour t'écoutes cette émission, bah je sache que c'est vrai. Oui, bon. Oui, alors que, bah, c'est la 12, c'est trop bien. Ouais, grave, je pensais pas qu'en commençant ces fruits de la station qu'on en arriverait là. Non. Ouais, ouais, vraiment. Je pensais qu'on en ferait déjà une. Ouais, encore. Une bonne moitié, moi j'aurais dit. Une moitié d'une et après on partirait en vrille. Ouais, chacun de notre côté. Et puis, à manger du châtenay d'oignon, quoi. Ouais, ok. Châtenay d'oignon. Okay, quel va être le programme de cette émission 12, Jean-Pierre? Eh bien, écoutez, moi j'ai une petite. Attendez, Jean-Pierre, oh là là. Je suis désolé de vous couper. Alors, en plus, c'est insupportable. Posé... Non, mais je sais. Ouais. Je sais, Jean-Pierre. Posez des questions. Je sais. Et en plus, couper la réponse. Je sais, Jean-Pierre. Ok, ok, allez-y, allez-y, allez-y. Tel le rabbin qui coupe le prépuce. Je coupe la parole. Mais la parole est la parole de Dieu, Jean-Pierre. Oui. Les gens se sont plaints sur les réseaux parce qu'ils ont dit oui, avant vous parliez de films au début, vous ne faites plus ça. Ah oui, c'est vrai. Et j'ai envie de dire oui et non. J'ai envie de dire oui et non également parce que justement. Vous avez un film là? Pas un film, mais une série pour le coup. Allez-y, je crois que ça va être bah chiant. Non, pas maintenant parce que ça fait partie d'une chronique. Non, mais c'est intégré à une chronique. Non, mais ce que je veux dire, c'est que les gens se plaignent. J'en ai marre fait... de commencer les émissions en rotant. Bah, j'ai remarqué ça, ça fait 2-3 fois là. Ouais. Je parle pas dans la vie privée. C'est vrai, vous êtes très seul. J'ai personne à qui parler. Oui, c'est normal. Donc, quand je parle, ça bouge là-dedans. Et puis, bah, du coup, dans ça... Il y a mon tiroir à saucisses qui... Et du coup, bah, ça envoie des petits rots. D'accord, ok. C'est bref, vous êtes les gens seuls qui me comprennent. Très bien. Vous alliez dire quoi? Eh bien, j'allais dire qu'il fallait expliquer aux gens pourquoi on ne parlait plus de films en début d'émission. Et pourquoi on ne parle plus de films en début d'émission? Oui, parce que... pourquoi on ne parle plus de films en début d'émission, Richie Booze? Je vais vous le dire. Allez-y. Parce qu'on ne parle plus de films qui sortent, parce qu'on a décidé de boycotter le cinéma français, de boycotter les salles de cinéma, parce qu'on est en train de monter quelque chose de très gros, de très important, qui va quand même... qui va révolutionner toute cette révolutionner industrie. Et exactement, on en dira plus au prochain numéro. Je pensais pas que vous alliez en parler tout de suite, mais ouais. Ok. Faudra pas oublier d'en dire plus au prochain numéro. Ça va être du très lourd. Après, ouais, faudra participer. Il y a un Tipeee. Il y a un petit Tipeee à monter. Voilà, chacun chez soi. Mais il y a 100 euros problème. De données. Égal. On reçoit un mail de remerciement. Ouais. 1000 euros de données. Deux mails de remerciement. 10 000 euros de données. On reçoit un pin's fruit de la station. Voilà, ce qui n'est quand même pas dégueu. Et 1 million d'euros, ouais. Vous avez le droit d'avoir un épisode, au lieu qu'il soit sur des sites de diffusion, il est envoyé directement sur votre boîte mail. Ouais. Et uniquement sur votre boîte mail pendant 2 jours. Vous avez l'exclu. Oui, après il brûle. Hein. Non, après on le met sur les réseaux sociaux. Ah, 2 jours en avance? Oui. Non, 2 jours après. D'accord, ouais, c'est vrai. Parce que ça, ils peuvent l'avoir, ils peuvent ah le mettre oui, sur lecteur Windows Media. Ouais, ils sont au travail, ils peuvent le lancer direct. Ouais, voilà, ouais, c'est non, c'est pas mal. Pratique ouais. Sans ouais. Internet, par exemple, hors connexion. Ouais. Oh, hey, oui. Pas bah, dégueu. Ouais, tout était chargé. D'ailleurs, pareil, les gens, alors on est obligé de le dire parce que ouais. Nos auditeurs sont tellement nombreux, on n'a pas de Tipeee. C'est une blague. Oui. On n'a pas de Tipeee, pas encore. Non. Ça a tardé. Le gars qui désamorce, c'est bon en 2 secondes. C'est bon, c'est ouais. Blague. C'est blague, oui. En 2 secondes. Parce très... que je désamorce pas de bombe, je suis pas des mineurs. Non. Mais par contre, vous avez beaucoup joué. Au démineur, c'est ouais. Vrai. Et les petits drapeaux apparaissent à la fin. C'est oh gagné. Là. Vous avez déjà compris les règles du démineur? Oui, c'est j'ai compris les règles de votre mère aussi. J'ai planté mon petit drapeau. Allez, mais j'en viens. Votre chronique, s'il vous plaît. Mais non, quoi. Oui, alors. C'est ce qu'elle disait. Moi, j'aurais donc. Je présentais quelqu'un. Ton doigt. Oh là là. Oui. En plus, j'entends même pas ce que vous dites, vous murmurez trop. Parce qu'on est quand même le podcast le moins de matériel du monde. On n'a pas de casque, on a un filtre anti-pop de 1938. Ah oh, ouais, pas... il est insupportable, il arrête pas de se casser la gueule tout le temps. Quand on lance des sons, on a chacun un ordi et on se fait 3-4 avec le regard et on appuie sur play. Il faut que ça soit calé. Non, c'est n'importe quoi. Non, c'est vraiment. Mais bon, je pense que dans quelques émissions, on va revenir et on va acheter du vrai matos. Ah ouais, ce qui ouais. Nous permettra, petit teasing pour l'année 2018. Si vous pouviez acheter des mentos également, ce serait un bonheur. Ah parce oh que oui. La table est petite et vous êtes très près. Et... la gerbouille, quoi. La gerbouille. Du coup, pas la mode camp. J'arrive pas à le dire. Ah, une blague vieille comme le monde, arrêtez un peu. Non, surtout, ça serait l'occasion d'inviter d'autres invités. Vous êtes insupportable. Ce serait l'occasion d'inviter d'autres invités. Oui. D'inviter d'autres invités, j'arrive plus à parler. Bah, il fait chaud là, je sais plus. Voilà. Votre slibard. Hein. Allez, alors moi je vais parler de quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Autoritaire. Donc, que j'ai qui entendu. Qui me tient beaucoup à cœur. Qui me tient beaucoup pas. Beaucoup pas cœur. Beaucoup pas. Docteur Oetker, les pizzas. Oh là là. Et après, je vais vous faire deux petits jeux. D'accord. Voilà. Voilà, c'est un petit teasing, un petit sommaire comme ça. Et vous, qu'est-ce que vous proposez ? Moi, qu'est-ce j'ai vous un maxi pitch. Oula, un maxi. Un maxi pitch. Obligé de le dire en rotant. Un maxi pitch. D'accord. Mais faites comme tous les jours. Un peu plus sensuel. Comme tous les jours, bah oui, vous avez bien raison. Un maxi pitch. Comme la semaine dernière. Pas comme tous les jours. Comme tous les jours. Un maxi pitch. Et un homme du jour. Ok, parfait. Moi, ça me va. Ça me va très bien. Vous voulez commencer ou... Ah, je peux y aller sur le maxi pitch, je suis chaud. Ok. Maxi pitch, je vais encore gagner. Bah, on va voir. C'est tellement prévisible maintenant. On va voir. Ok, très bien. Allez-y. Allez, banco. Alors, j'annonce. Ah non, mais il faut répéter le principe, les gens. Ah oui, oula, pardon, excusez-moi. Des nouveaux éditeurs. Allez-y, je répète à chaque fois, allez-y. C'est vrai. Alors, le maxi pitch. Comment vous résumeriez ça ? Vous, de votre côté un peu extérieur, de votre côté un peu paysan, votre côté terroir, du cru. Comment vous décrivez avec vos mots, avec vos mots à vous, hein, vos mots simples. Richie, il raconte un résumé de film. Alors, ça, c'est vraiment la caricature de paysan la plus dégradante que j'ai jamais entendue. C'est vrai, je vais arrêter tout de suite. En plus, je suis moi-même fils d'agriculteur, donc je sais très bien comment ça se passe. Je sais de quoi je parle. Ah, vous connaissez l'inceste quand même. Oh. Allez-y. Il faudrait un jour qu'on compte le nombre de clichés qu'il y a dans une émission, par exemple. Oh, clichés beaucoup, de photos, hein. Pasqualino qui prend des photos. Allez-y, j'ai envie de vous. Pasqualino n'a pas souhaité parler, visiblement. Oui, apparemment. Pasqualino était encore choqué sur l'imitation du paysan lui-même, fils de paysan. Merci, Pasqualino. Ok, donc le maxi pitch, qu'est-ce que c'est ? C'est Richie qui va me pitcher un film, donc exactement, me faire le synopsis d'un film en y ajoutant des détails, etc., en racontant un petit peu tout sur les personnages, sur les acteurs, sur les réalisateurs. Enfin, ça dépend des fois, pas tout le temps. Et moi, à la fin, je dois deviner si c'est un vrai film ou si c'est un film que Richie a purement inventé. Voilà, tout simple, simple comme bon jeu, on y exactement va. Et ce film, je vais vous commencer par vous dire le titre direct, il s'appelle Spider Pussy. Ok. Est-ce que c'est vous voulez me film faire une petite traduction là Spider Pussy, donc ouais. Spider comme l'araignée et Pussy, ouais. Pussy, qu'est-ce que ça veut dire Pussy ça déjà? La chatte. La chatte, voilà, les araignées de chatte. La chatte araignée plutôt. Ah, la chatte araignée. Ouais. Ok. Mi chatte, mi araignée. D'accord, très bien, bah, allez-y, c'est surprenant, continuez. C'est un film américain. D'accord. 1972. Réalisé par Marco Fredellini. Donc, j'allais dire, on peut traduire par la chatte araignée, mais ça, vous l'avez fait brillamment, vous êtes une merveille. Bah, je suis bilingue. Hein. Et donc, c'est un film, là, c'est la première fois que j'ai sur ce terrain-là, un film pornographique qui raconte l'histoire du pendant féminin de Spider-Man. Spider-Pussy, mais non, mais n'importe si, quoi. On va aller tout de suite dans le dur, dans l'histoire. Non, mais attendez. On va aller tout de suite dans le dur. Donc, on suit une jeune femme. Ouais. Qui s'appelle Martha. Martha ? Oui, Martha. Martha, c'était le nom de la grand-mère de Spider-Man ? Ah bah, je l'ignorais. Non, je l'ignorais. Ah si, c'était ça, il me semble. Ah bah, peut-être que ça a un lien, mais je l'ignorais complètement. Ok, bah, je vais vérifier. Je suis pas un grand fan de Spider-Man, moi j'adore, coup, mais je préfère Spider-Pussy, mais après chacun. Donc, elle rentre de son travail. Oui. On la voit vraiment rentrer chez elle en métro, on connaît pas exactement son travail, on voit juste qu'elle est en tailleur et qu'elle a un attaché case, des lunettes. Ça se passe dans quelle ville ? C'est une grande ville américaine. Ouais. C'est pas vraiment précisé. Okay. Dans le film, c'est un film porno, hein. Alors que vous soyez pas au niveau des questions, il va falloir peut-être un peu. Ah bah écoutez. Vous avez jamais vu de film porno, Jean-Pierre ? Jamais. Vous savez qu'au niveau du scénario et de la précision, on est quand même assez évasif. Hein. Il y a une autre optique dans le film porno, mais bon, je vous raconterai, je vous en montrerai un jour. Ce soir. Et donc, on perd pas de temps. Oui. Film porno oblige. Elle rentre chez elle et commence à se. À faire. Je sais pas, elle fait quoi ? Genre macramé. À quoi ? À se goder. Ah d'accord. Alors. Et donc, non, elle se tripote. En plus, voilà, elle se tripote délicatement la schneck. Et elle se fait mordre par une araignée. Mais non. On est sur un pendant de Spider-Man. Okay, hein. Okay, c'est vraiment le parti pris du film. Donc, d'accord. Non, mais... Elle se fait mordre le cou par une araignée. Ouais. Alors là, on n'est pas sur de la. C'est dégueulasse. Ça doit être dégueulasse chez elle parce qu'on n'est pas sur de l'araignée. La petite araignée, quoi. C'est la taille d'un caniche. Ça descend du plafond, c'est la grosse araignée en peluche qui pique. Je t'avais fait de foraine. Donc évidemment, on s'en suit une transformation, mais pas une transformation complète, une transformation seulement au niveau des parties génitales. Mais c'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle fait avec sa schneck du coup ? Sa schneck se transforme, ouais. Et on a en fait, évidemment, on a un plan sur sa tête en train d'hurler parce que la transformation est douloureuse. On voit pas la transformation, ce serait trop dur à mettre en scène, trop d'effets spéciaux. Ouais. Donc on la voit hurler sur son visage et ensuite on a à nouveau un plan sur ses parties génitales et en fait on a une tête d'araignée assez triste dessinée sur son pubis. Mais non, mais n'importe quoi. Et les pattes qui sortent de son trou fumant des pattes en faire un truc pas de maquillage. Mais c'est immonde en plus. Enfin, ça a rien de sensuel. Non, ça a rien de sensuel, mais c'est toute la particularité du film. Je suis dégoûté d'avance, quoi. C'est pas du dessin les pattes. Autant la tête c'est un dessin sur le pubis. Ouais. Les pattes c'est comme s'ils avaient collé une sorte de je sais pas du bois non mais du carton ou quelque chose. Et qui ça ressort un petit peu quand même. Voilà, c'est, non, relief, mais c'est collé sur autour du voilà. Bon. Okay. Évidemment. C'est une transformation physique, mais aussi une transformation psychique, puisque sa personnalité change et elle quitte sa petite vie rangée, donc de secrétaire ou d'employé de bureau, pour devenir Spider-Pussy. Alors donc, qu'est-ce qu'elle fait ? Quels sont ses super pouvoirs ? Une super héroïne. Elle se trouve un costume à la Spider-Man, d'accord, qui est plus proche de celui de Catwoman, mais plutôt sur une tenue de latex, oui, sauf qu'elle est rouge, un petit peu moulante. Elle se déplace non pas d'immeuble en building avec des toiles, parce que oui, encore une fois, j'imagine une question de budget, c'était compliqué. Mais elle se déplace, alors là, j'aimerais vous faire deviner comment elle se déplace, parce que c'est un des moments les plus hilarants du film. Comment elle se déplace, selon vous ? J'ai pas... C'est pas quelque chose de motorisé, déjà. Non, mais c'est quand même avec une des toiles ou pas ? Non, rien à voir. Ah bon ? Ah, rien à voir, c'est ça qui est assez, assez savoureux. Elle se déplace... c'est pas motorisé ? Non. Elle se déplace pas sur quelque chose de vivant ? Elle se déplace pas vraiment sur une araignée ? Non. Elle se déplace en sautant ? Ah oui, en sautant. Oui, mais en sautant sur quelque chose. Elle rebondit pas sur sa chatte quand même. Non, sur un ballon sauteur. Mais non. Si. Genre elle se déplace en ballon sauteur. Oui, elle se déplace en ballon sauteur. Et il y a un plan magnifique à l'intérieur du milieu du film où on la voit, c'est un plan large, on va dire, on veut un champ, enfin une route, et on la voit faire tout le chemin en ballon sauteur de gauche à droite. Et c'est la tristesse absolue. Enfin bon, bref. Elle décide du coup d'aller voir des gens. Ouais. Et en fait, elle devient complètement nymphomane, et c'est là où bon, le film redevient un film porno, puisque dès qu'elle rencontre quelqu'un, elle fait l'amour avec lui, puisque ça devient Spider-Pussy, qu'elle est très excitée. D'accord, ok. Et elle rencontre plusieurs garçons, et en fait, le moment où elle les tue, c'est-à-dire que durant l'orgasme. Parce qu'elle les tue ? Oui. C'est une meurtrière en fait. Oui. Ah oui. Martha, il y a une toile en corde qui sort de son vagin, mais enfin qui sort pas, qui apparaît à l'image, mais. Oui, que ouais, on Et qui étrangle ses partenaires, quoi. Voilà, okay. C'est ça sa toile, ça sort de l'araignée, ça les étrangle, elle les tue. Et le film continue avec ce encore fabuleux interlude en ballon sauteur entre chaque meurtre. Elle continue ses déplacements en tuyau lorsqu'un jour elle drague un grand moustachu dans une salle de sport. Ouais, commissaire Gordon. Donc ça se déroule comme d'habitude, elle commence à le draguer, ils sont prêts pour la corde, sauf que bon, l'homme qui est très costaud arrive à défaire la corde et tire dessus et traîne Spider-Pussy sur le sol. Et donc il y a du sang partout, parce que forcément la corde sort de son... Elle le traîne, c'est une scène qui est filmée avec la caméra qui bouge, hein, la scène de thriller un peu, enfin de tout film d'horreur. Ah. L'homme appelle la police, Martha se fait embarquer. Et en fait à ce niveau du film c'est assez amusant, puisqu'on est complètement perdu dans le film porno. Film. Quoi. On n'est plus dans le film porno, on sent que le réalisateur en fait. Il est parti, il avait envie de faire un thriller, un film d'horreur. Donc il est parti en roulis total. Quoi. Et ce film est sur Pornhub en entier. Hein. Tout le monde peut pas aller le voir. Quoi. Et donc, à ce niveau du film, on sent que le réalisateur est plus du tout dans l'érotisme. Ouais. On approche du film, 1h18, il dure. C'est pas non plus la folie. C'est déjà beaucoup de scènes de cul. Donc, assez à la fin, Martha se retrouve en prison. Elle essaye de séduire le maton qui la surveille. Ouais. Moment où il déboutonne sa braguette, et là, on a un cliffhanger de fou. On découvre que son pénis. Est déguisé, et là c'est sans parenthèse, hein. Est déguisé en chat. Ils ont fait des oreilles avec ses poils pubiens, avec du gel. Et c'est un cliffhanger, c'est la fin du film, on sait pas ce qui va se passer, mais on se dit que c'est un autre super-héros, quelque chose quoi. Oh, mais non, mais. Vous pouvez me poser des questions, c'est terminé parce que le film est assez court, parce qu'il y a énormément de scènes de sexe, boules. Donc c'est pas non plus. Pas grand chose à raconter. Je sais pas quoi. En fait, j'éprouve énormément de dégoût là, par rapport à tout ce que vous venez de c'est raconter. Vrai c'est, oui, moi, oui. Ça me fait rire plutôt. Ah la vache, ouais, mais après, c'est peut-être parce que je l'ai pas vu, ça se trouve, quand on le voit, oui, on se rend compte que c'est vraiment tourné de façon ridicule, etc. Mais là, pour déjà, le coup, c'est très cheap. Hein. Déjà, Spider Pussy, enfin non quoi, l'araignée qui descend du plafond, qui lui mord la chenec, ça se transforme. Et puis le coup, qu'elle se déplace en ballon sauteur quoi. Et honnêtement, je pense que c'est un faux film. Vous pensez que c'est un faux film ? Ah ouais, je pense que c'est un faux film. C'est votre réponse ? Ouais. C'est un faux film. Vous êtes un grand malade. Alors, vous attendez. Êtes... Alors, de deux choses. Attendez, moi, je vais demander plusieurs justifications, là. De deux choses. Oui. Déjà, bravo. Oui, félicitations, vous avez encore gagné. Ensuite, là où c'est drôle, c'est que je me suis inspiré d'un film. Ouais. Qui existe. Oh. Qui est un film porno qui s'appelle Bat Pussy, la chatte chauve-souris. C'est con en plus, chaque chauve-souris, mais ok. Genre le pendant en fait, de Batman. Je me suis inspiré, oui, voilà, un pendant de Batman, mais je me suis juste inspiré d'un fait que vous n'avez pas cru, le fait qu'elle se déplace en ballon sauteur. Oh non, c'est pas vrai. Qui est dans la vraie version de Bat Pussy, qui est un film des années 70. Et donc, j'ai entendu voir Bat Pussy, celui qui se déplace en ballon sauteur, c'est mais une non, merveille. Mais non, mais il n'y a pas le droit, quoi, en ballon sauteur, mais ça doit être d'un ridicule pas possible. Après, Bat Pussy, limite, enfin. C'est con, hein. Mais Spider-Man, sa technique pour se déplacer, c'est toujours ses toiles. Enfin, oui. Voilà, c'est limite un truc un peu classe dans le film. Alors que Batman, il a toujours des. Enfin, je sais pas. Des ballons sauteurs. Non, pas des ballons sauteurs, mais il a toujours des gadgets un peu pourris. Le bat boomerang, le bat requin, la bat bombe à requin. Le bat boomerang, c'est stylé quand même. Ouais, hein. C'est pas exemple, comme l'homme. Dans le Batman, je crois, des années 70, quand il se fait attaquer par un requin et qu'il demande la bat bombe à requin. Oui, ça, il là, clairement, il y a. Voilà, oui, voilà. Avec l'hélicoptère en carton. Là, il y a clairement du gadget un peu. Un peu cheapos, ouais. Donc limite. Mais dans les premiers Spider-Man aussi, c'était bien cheapos. Hein. Je sais pas, j'en ai pas trop vu, je crois. La série des années 50. Mais qui invente des choses quand il est en ballon sauteur, je peux te dire là, c'est quand même pas dégueulasse, quand même pas terrible quoi. Ok, d'accord. Bon, bah Spider Pussy encore raté, bah non, mais après... je reviendrai. Et puis le cliffhanger avec les oreilles de chat en poil pubien, quoi. C'était est-ce qu'on est sûr ça. De ça? Franchement, c'était pas dégueu. Ok, d'accord. Ah, et l'autre indice, alors je vais faire un recueil de nouvelles. L'autre indice qui m'a mis sur la voie, c'est qu'on ne savait pas dans quelle ville ça se passait. Alors que Spider-Man, c'est clairement identifié que ça se passe à New York. Non mais, oui, mais là, c'était pas Spider-Man. Oui, c'était Spider-Pussy, mais... Est-ce que vous croyez que dans 100% des films, on sait dans quelle ville ça se passe? Mais allez pas m'engueuler parce que j'ai encore gagné. Non, parce que j'aimerais que vous disiez... Mais non, vous... c'est pas, non, c'est non, pas dans si 100% vous, des si films dites, qu'on j'ai gagné sait, parce non. que j'ai dit au pif non. et que j'ai du bol, mais me dire on sait pas dans quelle ville ça se passe, donc c'est improbable que dans un film porno des années 70, ils aient pas clairement dit dans quelle ville ça se passait. Vous et à un moment, je veux bien participer à l'émission, je le fais bénévolement, mais si c'est pour me pourrir comme ça de jour en jour, moi je viens plus. Hein. Vous alliez dire, faites pas croire que dans tous les films, on sait où ça se passe. Dans les films porno. Il s'avère que... Ah oui, dans les films porno. Bah, c'est un film porno. Ah oui, mais quand on prend le pendant d'un super-héros... Bah, c'est super bien, vous prenez une information, vous prenez pas le Pirates reste. Pirates des Caraïbes, la version porno, on sait où ça se passe. Ça se passe où? Sur un bateau. À Saint-Bateau. À Saint-Maclou. Saint-Maclou. Voilà, bon, bah écoutez, mais en non, tout mais... cas... Après, vous avez plein d'imagination. Mais il y en a d'autres, des films des Maxi Pitch. Le problème, c'est que du coup, j'ai... Vous gardez confiance. Il faudrait que je fasse un vrai film de temps en temps. Non, c'est ça. Vous avez... Pour voir, quoi. Pour voir, ouais, c'est ça. Non, ça vous faites toujours votre histoire de tirage au sort, là? Bah oui. Ah oui, d'accord. Bah ouais. Mais faites-moi un vrai film porno la prochaine fois. Je suis sûr que ça va être très sympa. Bah, pas de pussy. Du coup, qui existe. En plus, voilà, alors ça, c'est l'autre truc. C'est 1h18 où il y a. Alors, vous m'avez dit, il y a plusieurs reprises. Non, vous allez me dire que c'est pas possible un film porno qui dure 1h18, quoi. Non, c'est pas non, ça. Que vous êtes incroyable, Jean-Bierre. C'est pas ça que j'allais vous dire. J'allais vous dire que un film qui dure seulement 1h18 et avec toutes les scènes que vous m'avez décrites, ça laisse quand même très peu de temps pour des films de cul. Enfin, pour des scènes de cul. Alors, vous m'avez dit, vite fait, oui, il y a quand même beaucoup de scènes de cul, etc. Mais voilà. Donc, je me suis dit, au final, le film perd très peu de son intérêt, quand même. Bon, la prochaine fois, je ferai semblant de me gourer. Et puis, là, vous êtes trompé, Jean-Bierre. C'était un vrai film ? Non. Très bien, parfait. Merci, Jean-Bierre. Eh ben, bah, c'est un plaisir. Bon, la prochaine, j'espère gagner. Mais oui. Par mais contre, quand j'ai gagné, vous me faites un gros cadeau. Bah oui. Oh oui. Oh Un gros cadeau à la Bat Pussy. Oh. Je me suis fait des pics des oreilles de chauve-souris avec mes. Hein. Non. En plus, le coup du truc déguisé à la fin. Ouais, en fait, ça, c'est des... Ouais. Je sais pas ce que je vais trop loin, peut-être, dans mon imagination. Parce que vous savez, quand je vous expliquais, j'écris avec ma plume ah, oui, dans un grenier avec juste la lueur et d'une peut-être bougie. Peut-être que c'est ça, vous êtes des trop... Des fois, l'inspiration me prend. Vous partez trop haut, trop loin. Mais encore une fois, si des gens veulent acheter le scénario, ils nous contactent. Fredastation@gmail.com. C'est sans problème. Il n'y a aucun problème. Les droits, on les vend. Ah ouais, non, mais bah, on a besoin de thunes. Hein. Le Tipeee, là, pour l'instant, il marche comme que ce soit le film de la semaine dernière, je ne sais plus ce que c'est. Ouais, la semaine dernière, encore une fois. Vraiment c'était mais... quoi semaine dernière si c'était pas c'est Noël non ah, la maison bière ouais. Si vous voulez acheter la maison bière excellent une fresque ah bah sans fresque problème de Noël y a vraiment pas de tout problème. Est vendable hein. Moi je suis chaud en tout cas. Bon écoutez, j'allais me cuver tellement je suis vexé, j'en ai marre de perdre. Bon, mais ouais. Non, vous inquiétez pas, je reviens avec une excellente chronique après une toute petite pause. Et la bise. Chronique de la station. Jean-Pierre Bernaud et Richie Bouze. I lost your love since I draw you on my bow. Not useless to describe me. I must too big and can't see me. All around was sad and poor. Désolé, Richie. Merci. D'avoir encore une fois. Ça fait la combienième fois d'affilée que je gagne ? Ça fait au moins 7 fois, 8 fois, je sais plus. Non, mais peut-être pas. Bah, on a 12 émissions, c'est pas possible. Je crois que vous avez perdu à la première. Oui, à la troisième. La deuxième... Deuxième, les zombies nazis. Je crois que vous avez perdu les 3 premières, en fait, et plus jamais. Plus jamais après. Ouais. Ah, c'est vrai, ça. Fruit de la station, saison 1, épisode 12. C'est la saison 1, c'est la saison 1. En fait, il faut qu'on arrête de dire saison 1 parce qu'il y aura je jamais... Dis, alors ça, vous allez voir, je vous l'ai dit à la première émission, vous réécouterez. C'est vrai ? Car je suis celui qui écoute plus nos émissions de toute la France. Oui, bah, c'est grâce à vous que ça grimpe les écoutes, hein. Ouais. Ça ne déconne pas. Non, c'est vrai, il faut que j'arrête de dire saison parce qu'en fait, on s'en fout des saisons. LFAF. Je l'ai pas. La France aux Français. Oh. Non, mais non. Quoi ? Mais quoi ? Ah bah d'accord, bah quand on dit le Pérou au Péruvien, tout le monde est d'accord, et puis quand on dit la France aux Français, alors le Tibet au Tibétain, il y a du monde, la France aux Français, il n'y a plus personne. Ah bah super, bah bravo. Très belle réflexion qui n'engage que vous. Bah merci. Ah bah on peut plus dire ce qu'on pense, bah c'est super. Bon, parfait. Justement, en parlant de géopolitique, Tibet. Pardon ? Oui, de Tibet. Moi je vais parler d'un truc qui me tenait particulièrement à cœur. Parce que déjà je devais écrire pour cette émission. Docteur Oetker, la pizza. Je connais pas. La pizzeria ? Non, vous avez dit quoi ? Docteur Oetker. Je sais pas ce que c'est. Pizza. Je sais pas ce que c'est. Et vous savez pas ce que c'est une pizza ? En fait, c'est une pâte à pain. Non, mais c'est laquelle on met. Et la qu'est-ce tomate, que vous avez dit avant ? Je comprends pas. Mozzarella, parfois des fines herbes, des anchois, des olives. On peut faire la tartiflette, la reblochon, la d'accord. Frenchina. Ah, au kebab, apparemment. Ouais, sur l'oriental, de la merguez. Avec de l'ananas, surtout sur l'oriental. Non, c'est la hawaïenne. Ah, c'est la hawaïenne avec de l'ananas, vous avez raison. Vous connaissez vraiment pas l'épisode. Bref, non, j'aime pas trop ça, moi je mange que des kebabs. Je voulais parler d'une émission que j'ai entendue, mais c'était, ça remonte un petit peu. C'est... Alors, juste. Oh là, quoi. Non, non, mais je peux quand même parler, c'est aussi mon émission, genre, vous avez vu comme il est autoritaire. Oui, oui, parce que. J'en ai marre, parce qu'Olivier, j'ai l'impression qu'il est toujours de votre côté, bizarrement. Bah, peut-être parce que c'est moi qui l'ai recueilli, et que vous. Vous lui marchiez sur les mains quand il était au bord du précipice pour le faire tomber quand moi je lui ai tendu la mienne. Ouais, c'est vrai. Pas pour demain. Le gifler, quoi. Oh. Attrape la corde. Attrape la corde, parce qu'il... Et il ne peut pas. Ah. Ouais, c'était le mien, ça. Il parle mieux français, l'autre. Oui, c'est vrai. Et du coup, non, je voulais juste savoir, est-ce que c'est une personne du jour ? Est-ce que c'est un fait ? Je ne sais plus où non. je suis. Alors, non, non, excusez-moi. Ouais, vous avez raison. C'est plutôt un fait, en fait, quelque chose dont j'ai entendu parler, dont beaucoup de gens ont entendu parler et qui est connu, et que je voulais mettre en parallèle avec une série aussi que j'ai terminé de regarder il y a peu. Une série qui est connue aussi. Donc, Friends. Voilà. En fait, oui, c'est ça. En fait, beaucoup de choses un petit peu connues, mais dont j'avais envie de parler avec bah, vous avez dans Fruits de la station. Alors, en fait, le micro est ouvert, c'est radio libre pour mais vous. Voilà, jusqu'à c'est minuit. Ça. C'est bon ça, avec Difool et Romano. Ouais. Et je voulais parler de la DGSE. Oui, alors DGSE, vous savez ce que ça veut dire ? Oui. Ça veut dire quoi ? La Direction Générale d'Espagne Sodomisée. Voilà. Mais en plus, pas du tout. Ah, pardon, la Direction Générale de Somalie endoctrinée. Voilà, ça, c'est ça. Non, c'est la Direction Générale de la Sécurité Extérieure. C'est non, en fait les services. Je savais, excusez-moi pour cette blague un petit peu limite, mais je le savais évidemment puisque ma mère y travaille. Ah bah, elle s'appelle comment ? Myriam. Myriam Bouze ? Bah oui. Voilà, une agent infiltrée en moins. Donc là, déjà, en fait, j'ai entendu une émission. Quoi ? Je savais pas qu'elle était en moins. Pour moi, elle serait toujours en plus dans mon cas. Oh putain. Ça va être compliqué, hein. Mais vous dites ça à chaque chronique. C'est ça vrai. Ça va être compliqué. C'est vrai que c'est pas compliqué pour moi quand vous trouvez mes maxi-piches depuis 8 émissions. Dès que je le vis bien. Oh la rancœur, c'est incroyable. Docteur Oetker. Non, mais. Dites ça. Mais allez-y, Jean-Pierre, allez-y, nom de Dieu. Alors bref, c'était une émission que j'ai entendue sur Le Temps d'un Bivouac, une excellente émission sur France Inter, où ils avaient invité Jean-Christophe Notin. Bizarre. Jean-Christophe Notin, qui c'est Jean-Christophe Notin ? Je sais pas. C'est un auteur en fait qui a écrit plusieurs livres sur justement le sujet sur la DGSE. D'accord. La DGSE, en fait, c'est vraiment des agents secrets, en fait. C'est clairement des agents secrets. Français. Français. Donc, c'est les services secrets français. Alors, ouais. Peut-être qu'ils ont des agents issus de d'autres nationalités qui travaillent pour ouais, le compte de la France. Ouais, infiltrés, quoi. Voilà, exactement. Mais c'est vraiment des agents secrets. C'est les services secrets français, tout bêtement. Exactement, c'est Allons-y, les services secrets. Synthétisons. Et donc, Jean-Christophe Notin, dans l'émission, il expliquait qu'il avait écrit voilà, plusieurs livres sur le sujet et surtout qu'il avait sorti un documentaire très récemment qui s'appelle Les Guerriers de l'Ombre. Il a sorti un documentaire, également un livre sur le sujet, où il a pu justement interviewer plusieurs agents de la DGSE. Il en a interviewé 13 au total pour leur demander un petit peu... Comme par hasard. Oui. Des douteux, hein. Faut leur poser des questions, donc... un complot. Coïncidence. Presque comme la bande dessinée. La la la la la la la la la la la la. Roue libre. Radio roue libre. Ça, ça sera le nom de notre prochain podcast. Un bon roue libre est un roue mort, comme on dit. Mais non, mais... Et dis-moi, qu'est-ce qu'ils faisaient ces petits OSS 117 là? Du coup, en fait, il les a interviewés pour leur poser des questions justement sur leurs activités, leur entraînement. Par exemple, comment ils étaient entraînés. Donc, on a des choses assez folles. Par exemple, pour leur première mission. Quand ils se déguisent, par exemple. Par exemple, quand ils mettent des perruques. Quand ils sont entraînés. Des choses comme ça. Ils font passer inaperçus dans certains quartiers chauds. Quand ils sont entraînés. Comment ils sont entraînés? C'est la question. Ils sont entraînés avec des mini-jupes et une perruque. Hein. tout simplement, des traînés standard, quoi. très bien ça. Non mais par exemple, ils expliquaient certains de leurs entraînements, c'est qu'ils vont les faire partir, donc ces futurs agents, parce que c'est encore l'entraînement, dans des pays à l'étranger. Ils vont devoir rapporter une information quelconque en France, sauf qu'à la douane par exemple, ils vont se faire bloquer et ils vont se faire séquestrer pendant plusieurs heures, interviewés par des agents interrogés par justement des gardes du pays d'où ils viennent, et ils savent jamais si c'est la France qui a demandé de faire ça ou si c'est vraiment qu'ils sont en train de se faire choper. Ils ne savent plus si c'est fait partie de l'entraînement, si c'est un exercice, si ils sont fait attraper. Du coup, c'est vraiment la psychologie qui rentre en jeu. Exactement. Voilà. Par exemple, un autre de leur entraînement, donc il parle que des entraînements les plus connus. Maintenant, il dit que les Jean-Christophe Notin garde expliquait. Garde du mystère, j'imagine. Il est obligé de. Bah voilà, c'est ça. Du coup, même pendant le documentaire, toutes les personnes sont floutées. On dévoile pas leur identité ni leur légende. J'expliquerai le truc des légendes après. Et en gros, un autre de leur entraînement. Exactement. Bah justement, c'est ça la série dont je voulais parler après que j'ai trouvé vraiment très bien. Un de leur autre entraînement, c'est par exemple l'agent qui est au pied d'un immeuble et son entraîneur lui dit bah voilà, tu dois aller à tel étage, à telle fenêtre. Et dans 7 minutes, tu dois être à la fenêtre avec un verre d'eau à la main. D'accord. Voilà, des choses comme ça. Donc, ils doivent se débrouiller pour faire ça, pour aller dans l'immeuble, se repérer. C'est juste un immeuble au hasard. Un immeuble au hasard, complètement. Déjà, on rentre probablement un immeuble d'affaires, on rentre pas comme ça. Alors, si on n'a pas de rendez-vous, si on ouais, a mais pas de... Même un immeuble... Non, c'était plutôt même... Enfin, je crois qu'il... Un immeuble de résidence. Ouais, de particulier, mais déjà, il faut quand même un digicode, il faut quand même rentrer, il faut frapper, il faut laisser la personne se faire rentrer dans son appartement. Et enfin voilà, il y a quand même beaucoup de choses à faire. Ça, c'est plutôt easy. Ça, ouais. Je pense que je le fais, ça. Je pense qu'il y a le côté. Alors, je pense. Ouais, on se dit tous ça. Bah, mais, moi, je me le dis, mais imaginez, moi, je peux pas vous en dire plus, mais. Oui, après vous avez, fait, vous avez un passif. J'ai un passif. Voilà. Mais imaginez, par exemple, la porte est fermée. J'ai un passif. Parce que la personne n'est pas dedans. j'ai pas entendu. J'ai un postiche. Comme ça, je passe inaperçu. un coup la mèche à gauche, un coup la mèche à droite. Bah, ça, les gens sont troublés. Hein. Un coup le book, tel Manuel Valls. Ah Manu, non, mais on t'embrasse. Les gens, on leur dit, excusez-moi madame. Oui, mais par exemple, la personne n'est pas là. Qu'est-ce que vous mais faites? Je défonce la porte. Ouais, voilà, vous défoncez la porte. Après, est-ce que les voisins sortent? Ou la dame, hein. Si elle est là, quoi. Si elle est là. Après, c'est ça aussi. Non, mais je pense qu'il y a toujours moyen de bluffer, toujours moyen de, voilà, d'avoir la chat. Non, mais moi, ce que je ferais, vous savez, c'est un exercice parmi tant d'autres. Je frappe. Ouais. Ding dong. Personne ne ouvre. Ouais. Et bonjour, excusez-moi de vous déranger, je suis agent secret. je suis en plein exercice. Je suis en plein exercice. Là, si vous me laissez pas rentrer avec un verre d'eau, je perds mon boulot. Voilà. C'est pas con, je lui dis, excusez-moi, monsieur, j'ai habité ici pendant très longtemps. Ouais. J'ai grandi dans cet immeuble. Est-ce que je pourrais visiter, s'il vous plaît, juste un instant? J'aimerais vraiment revoir ma chambre. Là, il vous dit, mais c'est n'importe quoi. J'habite ici depuis 40 ans. Voilà. Et là, je la tue. J'ai été pour le côté. C'est chaud. Je lui laisse une chance, quoi. Oui, mais sinon, elle me dit, ok. Et à un moment, je dis, oh là là, je peux revoir la vue. Ouais. Vous auriez un petit verre d'eau, s'il vous plaît. Voilà. Non, en mais tout cas, le verre d'eau, que... c'est plutôt. Le verre d'eau, c'est plutôt easy. C'est pas comme s'il a dit, vous montez au 7ème étage et je vais voir une carte avec une enclume. Là, le mec, il arrive, il est chaud, quoi. Le mec est pas tête. Et un chapeau de fête des mères sur la tête. Déjà, on sait pas vraiment ce que c'est un chapeau de fête des mères. Déjà, c'est ambigu. C'est vraiment compliqué. Bah, après, c'est l'entraînement, c'est step up, voilà. Quoi. C'est l'entraînement là, dernier. C'est le premier niveau, j'ai vu. Le verre d'eau, c'est le premier niveau. Après, ça monte crescendo. Mais ouais, l'enclume et le chapeau de fête des mères, quand on a fait quelque chose d'assez mystérieux. Ça, c'est pour plus tard. Oui. C'est pour la suite. Et ensuite, il y a le. Donc voilà, il leur pose des questions sur leur quotidien quand ils sont à l'étranger, mais même quand ils sont en France, parce que du coup il y a une espèce de schizophrénie qui s'installe. Alors bah, on parlera une paranoïa du... plutôt. De quoi? Une paranoïa. Bah, aussi une schizophrénie, parce que du coup quand ils sont à l'étranger ils n'ont pas la même identité que quand ils sont en France. Oui c'est ça. Mais il doit y avoir. Bah, et aussi la paranoïa. De savoir jamais si c'est vrai ou faux. J'imagine que ces gars-là ils se font, ils ont un contrôle de routine sur la route. Ah, bah, ça doit être la panique totale. Ils doivent se demander si c'est un test, si c'est quelque chose, ça doit être terrible. Oui, complètement. Si c'est des vrais policiers. métier si c'est pas des agents secrets. C'est un exercice. Pays. Et du coup, il y a une paranoïa, une schizophrénie. Il y a une gastro. Une gastro frénétique. Bah, liée aussi au stress, quoi. Exactement. Et du coup, il y a ce principe de la légende là. Donc la légende, c'est vraiment l'identité qu'ils vont prendre, qui doit alors coller le plus possible à la leur pour justement qu'ils s'en mêlent pas trop les pinceaux. Mentir le moins possible en voilà, fait. Voilà, exactement. C'est toujours le mentir le moins possible. Mais c'est toujours ça. Quand on raconte un mensonge, moi je m'en suis rendu compte à l'adolescence avec mes parents, faut toujours coller le plus possible à la réalité. Bah voilà. C'est-à-dire que la personne. Faut des éléments de vrai, des éléments de faux quoi. On va prendre quelque chose de complètement. Idiot, c'est-à-dire on arrive en retard au travail, on arrive à midi alors qu'on commençait à 8h. Oui, un beau retard de 4h. Il y a le menteur mauvais qui va commencer à dire « Mais attendez, mon train, il a été détourné, il y a eu les flics, il y a eu France 3 qui est venu, j'ai commencé alors plein de choses vérifiables. » Oui, voilà, alors, c'est ça, plein de témoins, plein alors, de... Alors juste dire, j'ai voulu me réveiller, seulement mon réveil a explosé. Il a tué ma mère, je l'ai emmené au crématorium. Là, c'est du bon mensonge. Au crématorium, mais moi j'avais compris crème brûlée. Du coup, j'avais été aussi. Du coup, je suis allé dans l'émission de Top Chef, j'ai commencé à faire ma petite tambouille. J'étais en finale. C'est diffusé ce soir. Vous allez bien voir. Hein. Regardez, allumez votre télé. Maman a coupé, monsieur. Oh, oh pénible, bon, laissez-moi travailler maintenant. Vrai, des mensonges un peu probables. Voilà, des trucs. Probo, pardon. Probo, oui, Franck. Voilà, donc, exactement ça. Et vous auriez quoi, vous, par exemple, comme légende une personnalité alternative que j'aurais trouvée. Vous choisiriez quoi? Moi, en général, j'aime si vous, bien... Par exemple, alors, je vous remets dans le contexte. Vous devez aller choper des documents confidentiels sur une installation un peu nouvelle en Iran. D'accord. Voilà. Je travaille dans la téléphonie. D'accord. Je travaille dans l'installation un peu de la 4G, tout ça, ce qui est lié à la téléphonie, la fibre, etc. Pas et j'ai besoin de faire une étude de marché sur combien ils payent, quel est leur réseau. D'accord. Pour faire une étude de marché pour installer des choses qui me permettent de rentrer dans les bâtiments, d'aller dans des pièces un petit peu, normalement on n'a pas accès, faire semblant de m'y connaître, de regarder. D'accord. Et comme ça, déjà, j'ai pu avoir accès à des choses. Je suis français, franco-iranien. Ah, vous êtes franco-iranien? Ouais, parce qu'entre les deux, j'ai appris l'arabe. C'est facilement vérifiable, je veux dire. Oui, mais justement, c'est ça vous êtes vraiment franco-iranien? Voilà, parce qu'entre les deux, je suis venu dans le passé. Et mon père, j'ai pris un iranien. D'accord, ok. Mm. Et du coup, vous avez fait accoupler votre mère avec un iranien? Non, parce qu'elle c'est ranianien. Ça m'a presque étonné qu'elle soit retombée plutôt celle-là. D'accord, donc ça serait ça, votre légende. Ouais, ok, pas mal. Ça dépend de la mission. Alors, votre mission, on s'adapte, Votre mission, si vous l'acceptez, c'est d'aller dans une piscine municipale et de vérifier si les pédiluves sont aux normes. Ah ouais. Et bah là, je pense que je me fais copain avec Jean-Luc Lahaye. Ouais. Et puis voilà. Il a accès à tous les pédiluves. Mais j'ai pas dit la pataugeoire, j'ai eu les pédiluves. Hein. Ah oui, c'est vrai. Savoir s'ils sont aux normes. Ah, moi qui l'adore les pieds, je sais pas. Ouais, il faudra sans doute, ce mec-là, et puis à sa près, je pense. Mais du coup, en France. Ah non. C'est là où c'est chaud. C'est où? Luxembourg. En effet, galère. Sachant qu'au Luxembourg, il doit y avoir à peu près 4 piscines dans tout le pays, je pense. Non, justement, il y en a 5. Ah, merde. Non, il y a la nouvelle, là. Attendez, on arrête tout. Ok. Je vais vous donner une rémission, Jean-Pierre, si vous l'acceptez. Allez-y, je l'accepte. Je suis chaud. Je suis patate. Vous devez rencontrer le Premier ministre hongrois. Ouais. Dans le but d'avoir des informations sur sa vie personnelle. Et hors mariage, vous savez qu'il y a peut-être un dossier sur le fait qu'il est peut-être infidèle et vous pouvez vous en servir dans une relation diplomatique et vous devez vous rapprocher de lui pour savoir si c'est vrai ou pas et si c'est vrai, l'exploiter. Donc avoir sa confiance en Hongrie, Budapest, style. Alors je pense que j'hésite. Deux profils possibles. Non, ça c'est le copain de Beyoncé. Restons sur le... Restons tellement de temps à la comprendre celle-là. Restons sur le thème, s'il vous plaît. Soit commercial, soit journaliste. Journaliste, je pense que c'est un peu trop cramé. En général, les politiques n'aiment pas trop les journalistes. Pas si près, surtout étrangers. Alors, je ferais plutôt le côté commercial, mais genre commercial un peu homme d'affaires. Mmh. Donc après, il faut du bis derrière. Enfin, il faut du moyen, quoi. Faut se donner les moyens. Puis, il n'y a pas la mer là-bas. Ouais, donc galère. Il y a le Danube. Ouais, le Danube, c'est déjà pas mal. Ouais. Donc, il faut arriver, genre gros costard 3 pièces et tout, et essayer de faire un peu classe. Je pense que j'arriverai avec des filles aussi. Plein de filles, des bonasses, des canons vraiment, mitraillette sur mitraillette, quoi. Et après, j'ai un capital sympathique qui est quand même énorme, ça on me le dit tout le temps. Oui. Donc je pense que j'arriverai à l'approcher d'une façon ou d'une autre. Ouais, d'accord. Là, je le droguerai, je pense. Mais comment... Ah oui, drogue de vérité, c'est rare ouais, un peu. Ouais, clairement. Ouais. Ouais, là, moi, j'y vais en mode bourrin. C'est audacieux. C'est audacieux. Après, ça passe sous sa casse. Je sais pas s'ils accepteraient le c'est le résultat plan. Qui compte. Hein. C'est le résultat qui compte. Mais il doit avoir un budget quand même. Non, en je France, pense hein. que j'essaierais vraiment de me faire pote avec lui, de me rapprocher de lui, de lui proposer voilà, des filles. Après, je suis un riche homme d'affaires. Peut-être qu'il a besoin de choses pour son pays. Ah, en fait, vous voulez créer l'adultère, vous? Non, bah, pas un peu quand même. Non, mais parce que je sais que l'Hongrois, c'est un peu des choses de la teub. Donc, j'utiliserai ce moyen-là. Et puis, on se fait facilement remarquer. Un riche homme d'affaires comme moi qui arrive avec plein de filles. Dans une soirée, le premier ministre hongrois, ça lui tape un peu dans l'œil. C'est un bon moyen de se faire remarquer. Après, on s'en approche de lui. On essaye d'engager la conversation, on voit ce qu'il aimerait bien pour son pays. Après, il faut qu'il aille dans les boîtes de nuit, hein. Peut-être qu'il y va pas. Hein. Non, mais il y a toujours des cérémonies, il y a toujours des cérémonies, des conférences de presse, des inaugurations de bâtiments. Vous arrivez en conférence de presse avec vos gonzesses et tout. Bah après, faut savoir qu'on a la DGSE derrière. Ils ont quand même des passe-droits, ils ont quand même des entrées. Si, moi je pense que la semaine prochaine on en parle à l'émission d'après. Que peut-être, du coup, peut-être. Peut-être vous feriez vous faire descendre. C'est possible. Bon voilà, donc ça c'était le principe des légendes. Ça j'ai trouvé ça fou. C'est pas mal, ouais. Ouais, j'ai trouvé ça vraiment fou parce qu'en fait faut savoir que c'est la première fois. En fait, que c'est la DGSE, c'est une des seules agences qui agit exclusivement en fait dans la clandestinité. C'est-à-dire il y a le des MI6, en France, il y a... voilà. De quoi ? Des seules agences en France. Non mais même, il me semble que le MI6 en Angleterre, etc., même la CIA... Qu'est-ce que vous entendez par clandestinité ? Bah, uniquement avec des agents qui sont justement sous couverture. Vous êtes sûr que c'est la seule au monde ? Moi c'est ce que j'avais vu, c'est la première Corée fois du que Nord, j'avais vu. Il y a des gens, ils sont vachement... j'ai vu sur W9, ouais. Des trucs, c'est chaud. Hein. Non mais ils ont des fois d'autres agents qui sont pas sous couverture, mais là la DGSE c'est quasiment entièrement quand ils ont sous froid, couverture. Quoi. Juste quand ils ont froid. Ouais voilà, après c'est ça, c'est en hiver hein, évidemment. Voilà. Donc le documentaire s'appelle Les Guerriers de l'Ombre, il raconte le quotidien de ces agents qui agissent voilà, sous couvert de fausses identités, de fausses activités, et on peut entrevoir grâce à ce livre et puis aussi à ce documentaire justement un portrait un peu plus intime de ces hommes et de ces femmes qui sont coupés de leur famille, qui sont coupés de leur quotidien pendant plusieurs mois. C'était marrant parce qu'évidemment il y a eu la question, ah et alors James Bond, est-ce que ça ferait un bon agent? Mais évidemment, mais c'est normal ça. Voilà. C'est comme les archéologues, on leur demande si c'est comme Indiana Jones leur vie, bah non. Et bah voilà, et bah là Jean-Christophe Notin disait James Bond, ça serait évidemment le pire agent du monde quoi. Bah oui, parce que le mec il est discret de la Terre. Il est tapé à l'œil. Bah en fait, c'est, il vient, et James Bond il fait exactement ce que j'ai dit que moi j'allais faire, donc je pense que je serais pas un très bon agent non plus. C'est-à-dire j'arrive avec des meufs, avec des grosses bagnoles. Je tape la première gonzesse qui passe. C'est ça, voilà, qui serait la fille du Premier ministre, donc forcément, Premier ministre hongrois. Même la femme quoi. Oh, même du coup le la chien du chien, ok quoi. Voilà. C'est bon, j'ai une preuve avec un selfie quoi. Non monsieur, vous avez rien compris. Non. Vous êtes viré. Oh non. La NPE sont vraiment mal leur travail quoi. Ah, bah... C'est là on voit que je suis pas jeune, c'est que j'ai dit à NPE. Ah, c'est vrai. Ça c'est vrai, la claque. Et du coup je voulais évidemment mettre toute cette interview là, donc encore une fois sur le temps d'un bivouac, l'émission pour ceux qui veulent la retrouver, avec la série Le Bureau des Légendes que en fait j'ai découvert il y a pas si longtemps avec que Mathieu ça. Mathieu Kassovitz. Exactement, avec Mathieu Kassovitz, créé par Éric Groschamp, avec Mathieu Kassovitz, Jean-Pierre Darroussin et JPD, Léa Drucker. Ouais. Ouais, et Jean-Pierre Darroussin qui est mortel d'ailleurs dans cette série là, et du coup qui raconte justement l'histoire de Mathieu Kassovitz qui est un agent sous couverture, et ça fait genre 7 ans qu'il était dans un pays sous couverture, et là il rentre brusquement en France parce que sa mission est terminée. Sauf qu'on se rend compte que du coup il avait créé une vie là-bas, qu'il avait des relations, notamment une relation amoureuse. C'est des vies incroyables. Après là c'est 6 ans, on parle de 6 ans dans le Bureau des Légendes. Jean-Christophe Notin dans le temps d'un bivouac il expliquait bien que jamais un agent reste courte, aussi longtemps, c'est impossible à tenir autrement. Impossible à tenir, mais bon, c'est quand même une vie où on est censé techniquement. Alors moi, je me suis toujours demandé si c'était vrai. Évidemment, ils ont tout à fait le droit d'avoir une femme et des enfants. Oui. Ou un homme et des enfants. Ouais. Ou un bisexuel et des enfants. Mm-hmm. Il y en a plein à continuer. On faut tous les faire. Ou un trisexuel et des enfants. Ou un trisomique et pas d'enfants, du coup. Non, ce que je veux dire, c'est que théoriquement, ils ne sont pas censés en parler à leur famille. Mais je pense qu'en vrai... Si c'est ta femme et que tu l'aimes depuis 20 ans, j'imagine un agent qui serait marié avec elle à 20 ans et il a 50 ans ou il a 45 ans, forcément il doit lui dire un peu ce qu'il a fait, c'est obligé. Sur le lit, au lit. Je sais pas. En fait, je pense que c'est des agents. C'est des personnes qui ont un mental tellement de fer et de ouf, enfin tellement à part. Clairement, vous et moi, on serait pas capable de ça. Gaston Lagaffe. Gaston de fer. Ah. Pousse en l'air. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Je sais même pas si en fait ils le feraient vraiment. Moi, je pense. Hein. Alors, ils ont une femme de couverture aussi. Hein. Ils ont peut-être une femme de couverture. Parfait, bah voilà, on va conclure bravo, c'était très intéressant, non, et ça m'a donné envie de m'engager. Bah surtout aller voir le Bureau des Légendes, c'est vraiment cool. J'ai vu, C'est vrai? Oui. Les trois saisons? Oui. Ah. C'est une série Canal Plus d'ailleurs. Exactement, ouais. Mmh. Ouais, ouais. C'est... Et j'ai trouvé ça vraiment cool. Non, j'ai pas vu la troisième saison. Et bah, elle est j'ai bien. Vu juste la 4. Elle est bien, regardez là. Ok, ouais, bah, c'est normal. Parce que nous autres, on a les saisons en avance. Ah bah oui, oula. Bisous. On refait une petite pause oui, ou pas? Bah, la chance, ça fait longtemps. C'est peut-être les vieilles photos et puis toi, te désolant, qui font que je me vois dans une auto avec toi au volant, que je te vois me sourire et me dire regarde la route, pas mes dents, mais j'ai quelque chose à te maintenir, je préfère ton dehors à ton dedans. Elle a ses entrées dans la ville, elle a son sourire de vinyle. Ma maîtresse m'avait bien prévenu, mais j'ai bien fait d'être venu, même si j'ai tout pris et tout perdu, je reste fidèle à l'air du temps. J'ai peur de voir le vent, j'ai des mots de toi en me levant. Ça lorsque les gourous se gourdent, gourdent leurs gamins de merde. Je crois. En prise délire hypochondriaque, en faire retour animaniaque. Et je jouerai jusqu'à demain sur ma guitare de seconde main. Et peut-être même frapper un type et prendre un petit daguerreotype. Et je te le redis en passant, je préfère ton dehors à ton dedans. Bou bou bou bla bla bla FDL. Non, ça je déteste, j'en viens, je l'ai déjà dit, hein, le bruit, mais j'en peux plus quoi. C'est mon côté reggae man. Mais oui, mais stop quoi. Bon. Vous savez ce qui vous attend là? Oula. Une personne du jour. Oh là là. Et vous savez ce qui se passe quand il y a une personne du jour? Faut deviner. Faut la deviner. Ouais. Alors je vous pose la question. Qu'a fait John Henry Craydon pour faire avancer la science? Attendez, mais c'est pas du tout une personne du jour, vous donnez le nom déjà. Mais non, mais la question c'est qu'a fait John Henry Craydon pour faire avancer la science? Ah, c'est un fait du jour. Son nom importe peu. C'est un fait non, du c'est jour. C'est la personne, parce que je vais parler de lui. D'accord. Mais là, ce qui importe, puisque son nom, c'est qu'est-ce qu'il a fait. C'est quand même pas dur de retenir les règles de la personne du jour. Et vous avez réussi à vous planter. C'est quand même bravo. Non, mais bravo. Mais attendez, ah, vous savez que quand vous avez fait votre dernière personne du jour, oui. Le mec qui avait son truc pour les couleurs, là. Ouais. Vous m'avez pas dit comment s'appelle le monsieur qui a son truc pour les couleurs? Non, vous m'avez dit qu'a inventé machin. Comment il s'appelait d'ailleurs? Il s'appelait Michel Patulacci. Exactement, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il a fait en quelle année? Il n'y a pas d'année, je alors, pour les auditeurs, c'est donc en gros, Richie vient d'évoquer quelque chose, un fait, une personne. Et moi, deviner, je dois évidemment deviner en posant des questions à Richie. Exactement. Voilà. Donc, qu'a fait John Henry Craydon, ouais. Crandon, peu importe, ouais. Pour faire avancer la science, et vous voulez l'année en 1939? Non. Ah si. Ah, ah non mais rien à voir. Ok. On est non, plus c'est sur quelque chose de tout public. On est plus sur un Peggy 8. D'accord, Peggy 8. Oh quoi que non, ça peut... Mais bon allez-y, ah, okay, posez la question. Alors il a fait avancer. Est-ce que c'est une invention qui a tellement marqué l'histoire de la science que ça s'utilise encore aujourd'hui? C'est une découverte plus qu'une invention. Et qui s'utilise encore aujourd'hui ou pas? Bah une découverte qui sert encore aujourd'hui. Qui sert encore aujourd'hui. De façon quotidienne. De façon, dans ces cas-là, ça a été très utile, si vous voulez. Comme mais si quoi, vous... c'est dans un cas en particulier. Bah, c'est comme si vous me demandiez, Pasteur, est-ce que son invention sert tous les jours? Ah, d'accord. Oui okay. Et non, c'est-à-dire il a découvert quelque chose, donc c'est utile. Oui, mais je veux voilà. Dire, Pasteur, là, pour le coup, j'aurais répondu oui, parce qu'évidemment, voilà. Ça peut servir tous les jours, oui, parce que c'était une grande avancée en science. D'accord, très bien. Donc, est-ce qu'on est dans le même domaine que Pasteur, de la maladie, de la santé? On est sur du médical, tout à fait. On d'accord. Est sur de la médecine. On est sur du vaccin, on est sur du médicament? Non. Médicament non plus? Non. Une opération, peut-être? Alors, je vais juste vous répéter la question, ouais. Qui est précise. Hein. Ouais. Qu'a fait John-Henri Crandon pour faire avancer la science? Ouais, ouais. Non, mais j'ai bien compris que c'est pas l'invention qu'il fallait que je trouve, mais que c'est... Comment il en est arrivé là, quoi. Ouais, mais du coup, je me disais que c'était plus simple de déjà trouver l'invention. Bien sûr, mais vous avez votre logique. Voilà. Moi, j'essaie de vous diriger, j'essaie de vous orienter vers le bon chemin. Ouais, oui, bah... Il a fait, entre guillemets, une expérience. D'accord. Si vous est-ce que c'est une expérience sur des êtres humains? Oui. Sur un être humain. Sur un être humain? Ah, il y a pas eu plusieurs tests. Souvent, dans la science, il y a plusieurs tests. Il y a eu un être humain. Il a fait son test sur une seule personne. D'accord, très bien. Donc, est-ce que ça se situe au niveau de l'anatomie de la personne? Parce que, par exemple, est-ce que la personne était vivante au moment de l'expérience? Oui. D'accord. Donc, c'était au niveau de l'anatomie? C'est-à-dire... Est-ce qu'il l'a ouvert? Est-ce qu'il l'a charcuté? Non. Est-ce qu'il a... Non, d'accord. Est-ce que c'était un enfant? Non. C'était un adulte? Oui. Personne de taille normale. Tout à fait normale, oui. L'indice de matière grasse, peut-être 21, je ne sais pas, 21 ans. Jeune. 21 ans, jeune. Okay, ans. Et du coup, il a fait une expérience. Est-ce que ça a changé le physique de la personne oui. Ou c'était au niveau cognitif plutôt? Ça a changé le physique de la personne. D'accord. Est-ce qu'il l'a amputé de quelque chose ou est-ce qu'au contraire il a rajouté quelque chose? Je peux vous donner un indice. Ouais, allez-y. Cette personne, c'était lui-même. Ah, ok. Il a fait cette expérience sur lui-même. Il fait quelque chose sur lui pour... Est-ce qu'il s'est rajouté quelque chose? Non. Il a enlevé quelque chose. Il a enlevé quelque chose sur sa personne. De son, de sa façon de vivre. Il a supprimé quelque chose. D'accord. Un objet? Non, c'est une habitude, on va dire. C'est lié à l'alimentation. L'alimentation. Il a arrêté de manger quelque chose. Exactement. En gros, c'est ça. Il a arrêté de manger quelque chose qu'on mange au corps aujourd'hui, du coup, oui. J'imagine. Est-ce que c'était de la viande? C'était non pas de la viande. Là, je vais commencer un petit peu à vous aider. Ouais, mais vous allez voir. Il a supprimé de son alimentation les laitages, les fruits, les légumes. Oula. Pendant 200 jours. Laitages, fruits, légumes pendant 200 jours. Dans le but. Et du coup, il mangeait quoi? De la viande? Il mangeait de la viande, il pouvait manger du pain, il pouvait manger tout ce qui restait. Et en fait, officiellement, il a voulu déterminer combien de temps il a fallu au corps en bonne santé pour contracter le scorbut. Ah ! Parce qu'il avait 21 ans, parce qu'à l'époque, il y avait énormément de voyages en bateau. Exact. On mangeait les fruits, tout ce qui se conservait peu de temps au début. Okay. Et les gens contractaient le scorbut au bout d'un moment, sans savoir réellement pourquoi. Il lui voulait déterminer si c'est la carence en vitamine C. D'accord. Qui causait cela. Et il faut savoir que cette maladie a tué plusieurs millions de personnes au cours des siècles. Le scorbut, ça a fait des ravages. Hein. Scorbut. Scorbut à gaz, après, mais... Alors, 200 jours, vous imaginez? 200 jours, c'est énorme. 200 jours, c'est alors pas un an. Au début, je vous ai un peu menti, mais pas vraiment. C'est-à-dire qu'il n'était pas tout seul. Il avait pris deux jeunes personnes de son âge pour le faire. Ouais. Seulement, il faisait l'expérience, lui, vraiment à fond. Et ces deux jeunes, ils les avaient retrouvés au bar en train de boire un jus d'orange. D'accord. Manger des oranges en train de complètement casser l'expérience. Du coup, il les a virés. Mais vraiment, lui, il a continué lui-même. Ah ouais, les mecs, ok, d'accord. Au bout de 6 semaines, un mois et demi, pour ceux qui aiment les maths. La vitamine C avait totalement disparu de son corps. D'accord. Il continue l'expérience. Au bout de 3 mois, il se porte toujours très bien. Ok. À tel point qu'il s'impatiente. Et vous savez, une des causes, enfin une des symptômes du scorbut, c'est l'incapacité à cicatriser. On commence à avoir des plaies. Comme les taupes. Comme le de votre mère. On commence à avoir des. Ah mais vous avez vu comment ça m'a choqué. Oui, j'ai vu. Je m'en excuse d'ailleurs. Oh. Sachant que le scorbut engendre des gros problèmes de cicatrisation. Mais non, mais Et donc il s'impatientait parce que ça faisait donc 3 mois qu'il ne mangeait plus rien de celle-là. Il avait plus de vitamine C, mais il était toujours plutôt bien. D'accord. Donc ce qu'il a fait, il s'est entaillé le dos. Une entaille de 10 cm dans le dos pour voir si ça allait cicatriser. Un amoureux de la science, quand même. Parce un sacrifice total. Le vrai problème, c'est que pour lui, au bout de 200 jours, donc c'est largement au-dessus de la moyenne des marins, il était déclaré officiellement scorbutique. Ouais. Mais il continuait. Donc vous imaginez, le gars devait être vraiment fatigué, quoi. Ah, c'est sale. Il continuait à pratiquer son activité de chirurgien. Ah oui. Pendant son expérience, il n'était pas au lit. C'est-à-dire qu'il continuait à opérer les gens. Rassurant. Donc on imagine. Moi je vois le chirurgien qui débarque comme ça dans ma piole, c'est nous. Les yeux qui se ferment, une entaille purulente. Oh. Alors ne vous inquiétez pas. Non, je vais vous opérer, mais il n'y a pas de souce. Hein. Je suis au taquet, je suis patate. Et donc, peu après, la première plaie apparaît lors d'un test d'effort qu'il faisait pour voir comment ça allait. Son cœur monte à 190. Je ne me rends pas compte. À la minute, c'est un vieillard qui fait un sprint au 100 mètres. Quoi. C'est, le cœur va exploser. Quoi. Il est à deux doigts de mourir d'ailleurs. D'accord. À ce moment-là, 190, c'est énorme. C'est costaud, ok. Donc, il se refait une entaille dans le dos. Ouais. Parce que bon, ça avance quand même cette affaire. Quand même. Ouais. Elle cicatrise toujours pas. Et lors d'un dernier test d'effort, donc au bout de 200 jours, ses gencives commencent à saigner parce que la fin du scorbut, c'est les dents qui se déchaussent. Ouais, c'est tu commences à partir en miettes un peu, quoi. Donc là, on arrête un peu le tir, il comprend. C'est bon, on a compris. Il comprend que c'est donc la vitamine C qui aide à la cicatrisation. D'accord. Et qu'en fait, si lui, il a mis tant de temps à être dans un état grave, c'est parce qu'il faisait peu d'efforts, contrairement aux marins qui sont en train de tirer des bouts, de laver le pont. Exactement. Et c'est les tests d'efforts qu'il a fait où il s'est dit c'est quand je cours que là je commence à saigner de partout. Enfin de partout, pas comme les non, je vais pas dire comme le chien de votre mère. Non, pas du tout, vous m'avez posé à ça. Donc big up à lui, hein, big d'accord, up à Crandon. Prenez-en de la graine Jean-Bierre quand même, parce que si vous pouviez faire preuve de tant d'abnégation pour travailler un peu pour Fruit de la Station, rigoler ou quoi, c'est très bien. Je me sacrifie pour vous ça. Vous seriez prêt, vous, à faire des expériences un petit peu extrêmes comme ça? Déjà, j'ai un régime alimentaire en particulier. Oui, vous mangez que de la viande. Exactement, je mange que de la viande. Je mange que des saucisses knacky. Oui. Voilà. Quel meilleur. Et des nuggets, un peu quand même. Deux fois sur dessert. Vraiment quand c'est Noël ou voilà, les fêtes de fin d'année principalement. Mais autrement, pas tant que ça. Et autrement, est-ce que je serais prêt à faire quelque chose comme ça? Non, j'ai déjà du mal à m'arrêter de ronger les ongles, donc je pense pas. Non, mais vous n'avez pas précisé, mais ce qui est curieux, c'est que vous rongez les ongles des d'autres personnes. Ah oui, quand je disais voilà. Ronger les ongles, bah les miens. Bah, non, c'est ça, non, mais parce que c'est pas évident pour tout le monde. Non, je suis pas terrasse. Ronger les ongles de pied de. Ouais, de pied, de main. Enfin, tout ce qui traîne. Hein. De force, de sourcils. J'aime bien les extrémités en général. De nez, quoi. Les ongles voilà, d'oreille. Même du, voilà. Donc voilà. Voilà, très intéressant. Cet homme-là, parce que pourquoi? Oui, alors pourquoi? Parce que moi, je voulais faire ça au début. Ouais. J'avais prévu de faire un test sur le score but et arrêter. Mais en fait, j'ai vu que c'était déjà fait. Bah, j'ai annulé. Ouais, normal. Normal. Mais après, vous allez commencer un autre régime, là, j'ai cru comprendre. Le régime du camp. Ouais, du camp de concentration, c'est-à-dire on mange plus grand-chose. Non mais putain. Bah, très bien, bah, en tout cas merci beaucoup Richie Mousse, chronique scientifique. De rien, c'est un plaisir de faire découvrir des personnes fascinantes. Ouais, et non, il y en tout a. Cas, bravo, franchement chapeau, c'est impressionnant. Mais par contre, enfin cette personne va vraiment être très moche. Mais j'ai l'impression en fin d'expérience. Que vous êtes depuis quelques émissions un petit peu sensible au sur ma chronique, sur mon maxi pitch, sur la toile d'araignée, tout ça. Vous étiez un petit peu choqué. Ah, la toile d'araignée, je me la souviens. La nausée, l'appareil, les plaies, je vous sentais. Vous êtes mal en ce moment. Mais non, mais je sais pas, c'est des choses qui me. Ah. Vous êtes fragile. Ouais, peut-être un petit peu, c'est ça. Peut-être que c'est la maturité. Je sais pas, peut-être que voilà, c'est. Bah, j'espère en tout cas que vous allez bien. Mais non, mais je vais bien, il y a pas de souci. Non, vraiment l'araignée, ça m'avait un peu. Non, mais parce que j'imaginais. Oh, moi, dès qu'il y a des trucs qui. Dès qu'on a les trous. Ouais. C'est pour ça que vous êtes plus sauvé. Oui, c'est vrai. Non, mais dès qu'il y a des choses qui. Tu vois, par exemple, un truc que j'ai toujours trouvé horrible, c'est quand les gens s'arrachent les ongles, littéralement. Enfin, je veux dire, les tortures, par exemple. On arrache les ongles des gens. Vous voyez, ce genre de truc. Mmh. Ah, ça me. Alors voilà, là, moi, j'aime le bien. Truc de l'araignée. Oui, je sais. Le truc de l'araignée qui rentre dans un orifice, là, dégueu. Là, le mec qui se fait des plaies dans le dos, qui continue à pratiquer sa. Ah, et puis, je déteste le monde de la pêche en plus. Alors, ouais, comme ah, le monde de la pêche et du crustacé en général. Et du crustacé en général, voilà, moi, tout ce qui est les compagnies, je peux te dire que je déteste ça quoi. Vous préférez les odeurs de crevettes. Oh. Jean-Pierre, qu'est-ce qu'on a après? Eh ben moi je vais essayer de vous faire deviner. Alors ouais, quelqu'un aussi. Je vais jouer. Vous allez jouer. Moi je vais être bon joueur contrairement à vous et mes Maxi. Vous rigolez ou quoi? Ah bah oui, mais ça c'est pas être bon joueur, c'est juste que moi je prépare mieux mes chroniques que vous. Allez-y. Alors en fait je vais vous faire deviner un artiste que vous connaissez. D'accord. Je suis sûr que vous le connaissez. Ça c'est certain, c'est une évidence. C'est certain. Et donc je vais vous citer quelques éléments de sa biographie et vous allez devoir deviner. D'accord. Vous êtes prêts? Oui. Alors c'est un artiste français. D'accord. Qui est originaire de Rennes. Pascal Obispo. Non. Ce dernier commence sa carrière en 2004. Il commence par réaliser ses premiers concerts, bah voilà, dans des petits bars du coin, hein, Rennes et compagnie. Il est ensuite rejoint, parce qu'au début il se produit en solo, mais ensuite il est rejoint par deux de ses camarades qui l'accompagnent à la guitare ainsi qu'à la contrebasse. En 2005, c'est l'enregistrement de leur premier album. Est-ce que c'est un homme? Oui, c'est un homme, ouais. Dont je tairai le nom, bah voilà, pour pas trop vous mettre en sur la... En quelle année, le premier album? 2005. D'accord. Il décroche une participation ensuite en 2006. Monsieur Roux Oh putain. Ok. Ah, vous êtes balèze. Attends, je pensais pas que vous alliez le trouver, celui-là. Eh oui. Faites très attention. Exactement. Vous savez ce qu'il m'a mis sur la voie? Monsieur Roux, non. La formation avec une contrebasse. Sérieux? En 2005, il n'y en avait pas 1000 qui se sont montés comme vous ça. Vous rigolez ou quoi? Bah, tous les trucs jazz et... Non, mais je savais bien qu'il fallait que je connaisse, donc il fallait que vous le connaissiez. Que ce soit un truc un peu ouais. Que les gens connaissent, ça allait pas être la formation de Dédé la Fripouille. Ouais, non, j'avoue. Ouais. Enco, donc... bon. Donc, Monsieur Roux, quoi. Mmh. Ouais, Monsieur Roux. Je l'ai vu en concert. Je suis sur le cul. Plusieurs fois. Ah, il y avait la contrebasse ou pas? Ouais. Ah bah oui, forcément. Voilà. D'ailleurs, il chantait sur quelques chansons. J'avais eu au chantier des Francopholies de La Rochelle, c'était un bon moment. C'était en 2006 ou pas? Francopholie 2006 et sélectionné en 2007. C'est encore avant les ah oui, Franco, c'est donc c'était peut-être même avant. Ah oui, d'accord, ok, très bien. Et bah bravo. C'est un plaisir. Chapeau, franchement, là, rien à dire. Mais c'est pas fini. Hein? C'est pas fini, j'en ai d'autres encore. C'est à dire. Bah, il y a d'autres exemples où c'était. De quoi, comme artiste? Ouais. Ah, non, pas pour le moment. Peut-être dans prochaines émissions. Ah, bah non, ouais, non, c'était. Bon, là, vous venez de me faire une chronique, hein, encore une fois, mais bon, je commence à avoir l'habitude. D'accord. Et bah, petite pause. Merci petite beaucoup. Pause, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bisous. De la station, Jean-Pierre et Robert, et Richie. Est-ce que vous avez le score but? Non. Ah, je ne sais pas. Est-ce que vous mangez assez de citron? Non, je mange jamais de citron. Avez-vous une légende? Ah si, je bois beaucoup de mojito. Mojito. Mojito. Mojito. S'il vous plaît. Oui. Deux mojitos. Deux mojitos, s'il vous plaît. Moi aussi, pareil. Lol, les clés de bagnole avec Laurent Baffy, génial. Bah, vous savez scène. Que c'est inspiré de Pierrot le Fou, de Godard. Ah, je ne savais pas. Il prend deux demi aussi tout le temps au bar. C'est vrai. Donc dans les clés de bagnole, vous aviez la référence un petit peu. Voilà, Je me souviens d'une fois où vous m'avez toujours dit regardez Pierrot le Fou, c'est génial. Et je ne l'ai jamais fait parce que j'ai. Voilà. Est-ce qu'on ne ferait pas un petit quiz cinéma. Oh, j'adore. C'est moi qui joue encore. Sur les anecdotes du cinéma. Monsieur Roux. Oui, c'est vous qui jouez. Ah, Monsieur Roux, vous m'avez épaté. Mais après, je pense que. Est-ce du que coup... c'est épatant de connaître aussi bien Monsieur Roux? C'est ça qui m'a épaté. C'est que c'était à la fois triste et bravo quand même. Le mec. 2005, une contrebasse. Monsieur Roux. Ça ne peut être que Monsieur Roux. Bravo. Alors là, ça va être le petit quiz ciné. Il y a déjà eu dans une émission précédente. C'était la 8. Peut-être non, la 9. La 8 ou la 9, je ne sais plus très bien. Je vais vous dire un fait, une anecdote sur un film. Évidemment, il y aura 4 propositions, à vous de choisir la bonne. D'accord. Ça va aller relativement vite, hein. Il y en a 4 ou 5, je ne sais et plus. Je laisse les propositions défiler parce que laissez les propositions défiler. De toute façon, j'ai toujours mis la bonne du coup en dernier. OK. Pour c'est bon que vous voilà, c'est comme bon ça vous m'interrompez pas. Mais c'est un peu comme dans les booms quand on est jeune quoi. C'est-à-dire bah la bonne est toujours en dernier. Oh. C'est celle qui nettoie quoi. Oui, exactement. Alors, le film Titanic. Mais vous avez déjà demandé ça, combien il y avait de morts. Non, mais attendez, c'est pas. Il y en a plein des anecdotes sur Titanic. Le film Titanic a coûté plus cher que le budget d'Avatar 1 et 2 réunis. La prothèse de hanche de Mamie Bouze. Ah, j'hésite. Ou le véritable bateau qui a coulé. Oh bah je pense qu'elle a coûté plus cher que le véritable bateau qui a coulé, oui. C'est une bonne réponse. En effet, le film a coûté plus cher que le véritable bateau qui a coulé. Comme Simone. Mais, mais franchement, je pense que ça me paraît... Après, j'ai hésité. Avatar, je me suis dit, c'est pas impossible parce qu'il y a beaucoup d'images de synthèse. Ouais. Et que c'est en 97, 98, Titanic, quoi, je crois. Titanic, ouais, 97, je crois. Ouais. Et que donc, je me suis dit, bon, tout était tourné en vrai et que du coup, ça coûtait beaucoup plus cher. Beaucoup plus cher, ouais. Mais après, quand vous m'avez dit le bateau, ouais. Ouais. Non, si, c'est ça, ouais. Donc là, on commence par une facile. Robert Downey Jr. En voulant tellement en voulait. Voulait de Bresse. Quoi? Allez-y. Jean-Pierre. Robert Downey Jr. Ouais. En voulait tellement au réalisateur David Fincher pour les longues heures de tournage passées sur le film Zodiac. Ah, oui. Qu'il a écrit. Mais nous, on lui en voulait aussi quand on l'a vu parce que c'est long. Hein. Oui, et puis c'est pas non ah, plus. C'est bien. Ah ouais? Mais c'est long. Bah, quand on aime un peu les bateaux, quoi. Alors. Vous m'épuisez. Alors, il en voulait tellement à David Fincher. Qu'est-ce qu'il a fait, Robert Downey Jr. Il a écrit, donc en anglais, David Fincher, mais là je l'ai mis la traduction française, tu pues la pisse à plusieurs reprises sur les murs du studio. D'accord. Il a fait pipi directement sur David Fincher durant la soirée de fin de tournage. Ouais. Il a trempé du pain dans un urinoir et l'a laissé dans la loge de. Laissé le quignon de pain dans la loge de David Fincher. D'accord. Où il a laissé des pichets d'urine sur le plateau de tournage en guise de protestation. Alors, le fait qu'il laisse des bouts de pain trempés dans l'urine dans la loge, donc je connais pas la réponse. Ouais, d'accord. Donc je vais réfléchir. Ouais, très bien. Allez, je peux répéter. Je trouve ça un peu nul comme vengeance. On trempe des bouts de pain, on les pose dans la loge, bon. Ouais, après, quand c'est mon avis. Voilà, remplir des pichets de pisse, alors soit il était avec des copains. Ouais. Ils sont organisés pour avoir une quantité de pisse quand même. Vous avez dit des pichets de pisse. Hein. Ouais, des pichets d'urine. Ouais. Voilà. Ouais. Lui pisser dessus à la soirée de fin de gala, à la fin, je trouve ça vraiment à la Robert Downey Jr., donc je dirais ça. C'est vrai? Ouais. C'est ça. Et ben non, en fait, c'était vraiment de laisser des pichets d'urine. Mais comment il faisait? Bah, je pense qu'en fait, il a fait ça sur toute la partie du tournage, à mon avis. Ah, il collectait sa pisse. Et je pense que vraiment, enfin, genre, dès qu'il, ouais, il pissait, et hop, il laissait, et voilà, et ainsi de suite, quoi. Parce qu'en plus, c'est complètement con en guise de protestation, parce que c'est pas David Fincher bah, qui nettoie le plateau, c'est le pauvre technicien. C'est ça qui est un peu nul. Aidé, voilà. Mais bon, bah, autant après, lui pisser dessus à la soirée de gala, ça avait de la gueule. Moi, j'aurais quoi. Trouvé ça un peu cool, tu vois. Genre, par exemple, il y a une terrasse, une mezzanine, et t'as Robert Downey Jr. en haut qui lui pisse dessus. Non, mais même, moi, j'imaginais la scène. Genre sur sa jambe, quoi. Ouais, sur sa jambe, c'est en mode devant tout le monde, on prend une photo, et j'ai la table à l'air, et je lui pisse dessus, puis à la fin, je chie, quoi. Sur ses godasses, quoi. Ouais, non, mais ouais, carrément, mais pourquoi? Mais non, bah, il s'est bien organisé. Alors bah, peut-être qu'il peu y avait nul, des copains à lui aussi, en effet. Mais c'est vrai cette histoire? Oui, c'est vrai. Ah, bah, tout ce que je vous dis là est vrai. Hein. Mais ouais. C'est vrai que sinon, ce serait un peu. Bah, oui, autrement, ça perdrait un peu de son intérêt. Eh non, c'était l'autre, pas de bol. Le cri des dinosaures dans Jurassic Park. Les cris des dinosaures dans Jurassic Park sont réalisés à partir d'eux. Non, c'est pas cela. Alors, bah, pas de tous les dinosaures, mais de certains dinosaures. Lesquels? Je sais pas, c'était pas précisé dans l'anecdote. Attention, hein. Sont réalisés à partir d'eux. Boîte de conserve frottées violemment les unes contre les autres. De tortues en train de s'accoupler. La femme de Steven Spielberg. de Steven S. La femme, les cris de la femme de Steven Spielberg lorsqu'elle était en train d'accoucher de leur premier fils. Ou d'un mix entre un bruit de baleine et un labrador croisé avec un malinois. C'est un mélange entre... C'est des tortues qui baisent, en fait. Ouais. Mm. C'est vraiment des tortues qui baisent. Ça, je le savais. C'est vrai ? Oui. Oh là là. Et on en avait parlé lors de la première émission, quand c'était un des bruits du turfu ou pas ? Non, non, non, on n'avait pas mentionné cette anecdote. Putain, mais je savais pas, moi. Et du coup, c'est des tortues qui font l'amour, ouais, qui font certains des c'est bruits. C'est en partie, après, c'est modifié. Oui, bah, évidemment, ils ont pas mis ça brut, quoi. Une des bases du... Un peu violent, quoi. D'accord, très bien. Vous êtes à 2 hein, pour l'instant. Ok. Alors là, tout peut basculer. 2-1, il y en a plus que 2 encore. Ouh là là, c'est qui tout double ? C'est qui tout double ? Dans Harry Potter. Ah, ouais. Attention, on laisse un peu de place sur la musique. Voilà. Les livres dans le bureau de Dumbledore sont en réalité les mêmes livres que ceux utilisés dans les magasins Ikea. Toujours des livres. Ouais, des faux livres, des cotes. Des exemplaires, des scénarios, des films. Des bottins téléphoniques reliés en cuir. Ou alors tout simplement des vrais livres. Peut-être des vrais livres, vous avez inventé tout ça. Alors, soit c'est ça, soit je pense que je dirais des exemplaires des scénarios. D'accord. Qui a dû en avoir beaucoup. Ok. Et du coup, ils ne savaient plus quoi en faire, ils ont mis là. Ouais. Attendez, c'est pas ma réponse. Ah non, non. Mais je... C'est des vrais livres. Ok. C'était des bottins téléphoniques. Ah. Voyant cuir. Et vous savez ce qui aurait dû vous mettre sur la voie ? Christine ? Christine Bottin téléphonique. Ce qui aurait dû vous mettre sur la voie, c'est justement que plus personne n'utilise le terme bottin téléphonique, c'est des annuaires téléphoniques. En oui, fait. Et coup, voilà. Ils étaient à recycler. Et ils ont oui, utilisé. Non, mais c'est surtout qu'en fait, moi, j'ai juste voilà, j'ai pris l'anecdote, j'ai recopié tel quel. Ça vous arrive d'avoir des expressions un petit peu rincaires. Du style. Bah, du style, tout à l'heure, vous avez quand même dit, enfin, je peux pas le dire dans tout le monde, parce que c'est lié à votre mère. Alors, mais. Bon, ouais, ok. Pieds et poings liés. Non, mais. Vous êtes d'un bête. Vous êtes dingo. Vous êtes... Dernier. Alors là, 2-2. Ouais. 2-2. Donc là, c'est soit je perds, soit je gagne. C'est la dernière. C'est pour ça que j'en mets 5 à chaque fois. C'est pour ou ça que 7, j'ai pas répondu à celle d'avant pour 9. Le suspense. Ouais, ok. Roulement de tambour. Vous voulez que je vous en fasse un ou pas à la bouche ? Non. Ok. Le vaisseau de Peter Quill dans Les Gardiens de la Galaxie doit son nom, le Milano, à. Vous avez compris ? Oui, oui, c'est bon, merci. Il y a du suspense, hein, donc je préfère m'assurer. Doit son nom le Milano A, la célèbre ville italienne du même nom, au nom de la pizzeria préférée du Real, une ancêtre de l'acteur principal de Chris Pratt qui portait ce nom, ou alors à l'actrice Alyssa Milano. C'est lié à la pizzeria préférée du réalisateur. C'est votre dernier mot ? Oui. C'est lié à l'actrice Alyssa Milano. C'est vrai, pourquoi ? Ouais. Mais je sais pas qui c'est. Mais si. Charme, Alyssa Milano, putain. Non mais d'accord, maintenant je me souviens, mais je savais, bah voilà, pas, bah alors... je savais pas que c'était l'autre fois, je me suis pas... Oui. Ah bah si, si, c'est ça. Bah super. Ok, et donc voilà. Et pourquoi ? Bah je sais pas, un hommage, mais du coup, je pense. J'ai perdu encore. Mais c'est ça, ma vie. Je perds tout le temps. Vous êtes nuls. Vous êtes mauvais, Richie. Vous êtes pas bon. J'arrête tout, je plaque tout. Je suis désolé. Non, non, non. Non, j'ai oublié quand il est jusqu'à la mort. Jusqu'à la fin. Donc, voilà, et, j'étais très content parce que moi, je suis, vous savez, je suis un grand fan d'Alyssa Milano. Oui, c'est vrai, vous en aviez parlé. Évidemment. Il y a du mobilier dans le cabanon qui est en train de se casser. C'est un petit peu vétuste. Hein. C'est un petit peu désuet, c'est normal. Ouais. Donc voilà, c'est ainsi que s'achève l'émission numéro 12 qui sonne avec Booz, Richie Booz et Jean-Pierre Bernaud. No. Écoutez, Jean-Pierre, c'était un bonheur cette émission. Mais moi aussi, je suis... De toute façon, c'est... Il y a encore une fois plein de ça me met en joie. Mais moi aussi, c'est vieille, mais joie.